Today, we are going to talk about the Four Noble Truths. The Buddha began this discourse with the statement that those who had gone forth should not follow the two extremes, devotion to sensual pleasure and to self-mortification. Aujourd'hui, je vais vous parler des quatre nobles vérités. Le Bouddha a commencé son sermon en disant que ceux qui ont renoncé ne devraient pas suivre les deux extrêmes, s'adonner au plaisir sensuel d'une part et pratiquer la mortification d'autre part. Il a lui-même pratiqué et il a obtenu les meilleurs résultats de la pratique du chemin du milieu. Ce chemin du milieu, cette pratique, amène la vision et la connaissance. La pratique du chemin du milieu amène le calme, amène la connaissance supérieure, développe la compréhension pénétrante et mène à la cessation définitive de toute souffrance. Le Bouddha a ensuite donné à son auditoire une liste de facteurs compris dans la pratique du chemin du milieu. Le Bouddha a poursuivi son sermon par la description des quatre nobles vérités. La pratique du chemin du milieu constitue la quatrième de ces nobles vérités. C'est donc une des quatre nobles vérités. Le Bouddha a sans doute estimé qu'il était bon pour son auditoire d'en savoir plus à propos des quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités sont une partie importante de l'enseignement du Bouddha. Tout ce que le Bouddha a enseigné revient toujours à ces quatre nobles vérités. Il est dit qu'il n'y a rien qui ne fasse pas partie des quatre nobles vérités. Donc, les quatre nobles vérités sont une partie très importante de l'enseignement du Bouddha. Il y a deux mots que nous devrons d'abord comprendre, le mot noble et le mot vérité. Selon l'enseignement du Bouddha, vérité, c'est tout simplement ce qui est vrai, quelque chose qui correspond à ce qui est annoncé. Si on se réfère à cette définition de la vérité, tout est vérité, n'importe quoi peut être vérité. La vérité, ce n'est pas nécessairement des choses bonnes. Que les choses soient bonnes ou mauvaises, si elles sont vraies, si elles correspondent à ce qui est annoncé, on peut dire qu'elles sont la vérité. La seconde noble vérité, c'est le désir. Le désir est quelque chose de négatif, c'est un état d'esprit négatif, donc c'est quelque chose de mauvais. Et cependant, on l'appelle noble vérité de l'origine de la souffrance. Donc, la vérité ne doit pas nécessairement être quelque chose de bon, de positif. Que ce soit bon ou mauvais, si c'est vrai, c'est la vérité. Le mot noble ou l'expression noble vérité s'explique de quatre façons dans les commentaires. On appelle ces vérités les nobles vérités parce qu'elles sont pénétrées par les êtres nobles. Donc, un premier sens du mot noble vérité, c'est le fait qu'elles sont pénétrées par les nobles. Ce sont des vérités, des nobles vérités, que les êtres nobles ont comprises, ont vues. La deuxième signification du mot vérité, noble vérité, c'est qu'elle appartient au Bouddha. C'est la noble vérité que le Bouddha a découverte et qu'il a révélée au monde. Ce sont ses propres vérités. Ce sont les vérités du Bouddha. On les appelle les nobles vérités tout simplement parce que ce sont les nobles vérités de l'être noble. La troisième signification de noble vérité, c'est que ces vérités font des êtres nobles. Ceci veut dire que lorsque ces quatre nobles vérités sont vues, Les personnes qui les voient, qui les comprennent, deviennent des êtres nobles. Ces vérités sont donc pénétrées par des personnes qui sont automatiquement devenues des êtres nobles. Ce sont donc des vérités qui rendent les êtres nobles. La quatrième signification de cette expression, c'est tout simplement véritable, vrai. Le mot noble ici veut dire vrai. Ce n'est pas un mensonge. Donc, on parle des quatre nobles vérités, des vérités qui sont vraies. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces quatre significations. Il y a quatre nobles vérités qui ont été enseignées par le Bouddha. Le Bouddha a enseigné ces quatre nobles vérités pour la première fois lors d'un sermon qu'il a donné à ses cinq disciples, 2 mois après son illumination. La première noble vérité, c'est la noble vérité de la souffrance, la noble vérité de dukkha. Cette noble vérité de la souffrance est décrite de la façon suivante. Ceci est la noble vérité de la souffrance. Le chagrin, les lamentations, la souffrance physique, la souffrance mentale, le désespoir sont souffrances. L'association avec les êtres que l'on n'aime pas est souffrance. La séparation d'avec les êtres que l'on aime est souffrance. Désirer quelque chose et ne pas l'obtenir est souffrance. En bref, les 5 agrégats qui sont objets d'attachement sont souffrance. C'est la définition, la description de la première noble vérité. Le Bouddha nous dit donc que la naissance est souffrance, le vieillissement est souffrance, la mort est souffrance, etc. Dans ce contexte, la naissance, c'est la conception, le premier moment de conception dans la matrice maternelle, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Dès le premier moment de la conception dans la matrice maternelle, jusqu'au moment où ils seront nés, on parle de naissance. Dans les commentaires, on décrit toutes sortes de souffrances en rapport avec le fait d'être pris dans une matrice maternelle. Lorsque le fœtus se trouve dans la matrice maternelle, il va devoir endurer beaucoup de souffrances. Dans les commentaires, on décrit toutes ces souffrances de façon très éloquente. Même si nous ne nous souvenons pas de notre passage dans la matrice maternelle, je pense qu'il est facile d'imaginer toutes les souffrances que cela suppose, et comme il est effrayant de devoir reprendre naissance dans une matrice maternelle, surtout si nous devons reprendre naissance dans la matrice d'une mère qui n'est pas prudente. Ceci peut être très effrayant. Ces mères pourraient par exemple prendre de la drogue ou d'autres choses qui vont affecter la santé du bébé. Se retrouver dans une matrice maternelle, être conçu et se développer dans cette matrice est réellement une souffrance. C'est la base pour les souffrances ultérieures que cet être va devoir endurer au cours de sa vie, et ceci jusqu'à la mort. C'est pourquoi on dit que la naissance est souffrance. Les êtres qui prennent naissance spontanément, sans devoir passer par la matrice maternelle, pourraient peut-être penser que la naissance n'est pas une souffrance. Mais comme cette naissance est la base pour la souffrance qui va se manifester au cours de la vie, on parle malgré tout de souffrance. Donc lorsqu'on dit que la naissance est souffrance, on veut dire que c'est la base pour la souffrance que l'être devra endurer au cours de sa vie. Le vieillissement est souffrance. Je pense que c'est très clair que le vieillissement est une souffrance. Personne n'aime devenir vieux. Malgré nos efforts pour rester jeunes ou pour paraître jeunes, nous vieillissons. Nous vieillissons de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Lorsque nous vieillissons, nous perdons notre énergie. Nous devenons plus faibles. Nous ne voyons plus aussi clairement qu'avant. Et c'est la même chose pour Louis. Nous commençons à perdre nos dents. Il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec le vieillissement. Il y a également le fait que l'on pourrait être maltraité par les personnes qui sont plus jeunes. Ils pourraient manquer de respect à notre égard, ou même être dégoûtés. Lorsqu'on devient vieux, on commence à radoter, on devient sénile, on se retrouve comme un enfant. Toutes ces souffrances sont dues au vieillissement. Le vieillissement est donc la base pour la souffrance. C'est une souffrance et personne ne peut l'éviter. Personne ne peut redevenir jeune. Il y a des méthodes scientifiques, des méthodes médicales qui pourraient parfois ralentir ce vieillissement. Mais il est impossible de l'arrêter. Il est impossible de redevenir jeune. Même si le corps physique peut être maintenu en bonne forme et sembler jeune, même s'il est possible de se faire enlever les rides et tout ce qui marque le vieillissement, nous ne pouvons pas échapper au fait de vieillir de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Le vieillissement est donc source de toutes sortes de souffrances. Le vieillissement, le fait de vieillir, est donc décrit comme une souffrance. La mort est souffrance. Ceci ne demande pas d'explication. Tout le monde a peur de la mort. Nous avons peur de la mort parce que, au moment de la mort, nous devrons tout quitter. Nous ne sommes pas non plus sûrs de l'endroit où nous allons reprendre naissance. Donc, la mort nous fait peur. Même si nous avons peur de la mort, un jour, nous devrons la subir. Nous mourrons. La mort est une cause de souffrance. On peut donc dire que la mort est souffrance. Le chagrin, les lamentations, la souffrance mentale, le désespoir, tout cela est souffrance. Ces choses sont souffrances en elles-mêmes et elles sont la cause pour une souffrance ultérieure. On peut donc dire qu'elles sont souffrances. L'association avec des personnes que l'on n'aime pas est souffrance. Ceci est très clair, très évident. Lorsque nous sommes obligés de vivre avec une personne que nous n'aimons pas, ou même que nous haïssons, nous devrons beaucoup souffrir. Lorsque nous devons nous trouver avec des choses dans un environnement que nous n'aimons pas, nous souffrons de nouveau. Parfois, il est possible que votre voiture soit devenue très vieille. Elle tombe en panne à tout moment. Mais vous n'avez pas l'argent pour en acheter une nouvelle. Vous devez donc la faire réparer chaque fois qu'elle tombe en panne. Et parfois, elle va tomber en panne sur la grande route. Il y a donc tout cela qui est susceptible de se produire. Donc, se retrouver avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ou avoir des objets que l'on n'aime pas, cette voiture, une maison ou n'importe quoi d'autre, tout cela est une cause de souffrance. Ce n'est pas difficile à comprendre. Vient ensuite le fait d'être séparé des êtres que l'on aime ou des objets auxquels nous sommes attachés. Tout cela est souffrance. Lorsque vous êtes séparé de ceux que vous aimez, vous êtes triste et vous souffrez. Lorsque vous êtes séparé des objets que vous aimez, si par exemple quelqu'un vole votre voiture, votre maison ou quoi que ce soit d'autre, vous souffrez. La séparation d'avec les êtres ou les choses que l'on aime est donc souffrance. Désirer certaines choses, ne pas obtenir ce que l'on désire, tout cela est souffrance. Nous désirons toutes sortes de choses dans la vie. Une voiture, une maison, un portable, un travail bien payé, etc. Mais il arrive bien souvent que nous n'obtenions pas ce que nous désirons. Et lorsque nous n'obtenons pas ce que nous désirons, nous souffrons. Les gens ont toutes sortes de désirs. Parfois, ce sera un nouvel ordinateur. Parfois, un iPad. Parfois, on voudra devenir riche. Et si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, c'est certainement une souffrance. Mais tout ceci est une façon assez simple de voir la souffrance. Ce que le Bouddha veut dire est quelque chose de différent. C'est une autre sorte de souffrance, une souffrance qui vient du fait qu'on ne peut pas satisfaire ses désirs. Que se passerait-il si on ne devenait pas vieux, si on ne devait pas mourir, si on n'expérimentait jamais le chagrin, les lamentations, etc. Tout ceci serait très bien, mais ceci est impossible. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. Tout cela est une souffrance. Désirer certaines choses, ne pas obtenir ce que l'on désire est aussi souffrance. En bref, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. Donc finalement, le Bouddha nous dit qu'en essence, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. Je pense que ceci n'est pas difficile à accepter. Il n'est pas difficile d'accepter que la naissance est une souffrance, que le vieillissement est une souffrance, que la mort est une souffrance, etc. Tout cela est très clair. Que veut-on dire par les cinq agrégats d'attachement? Tout dans l'univers est inclus là-dedans. Lorsque nous sommes heureux, ce bonheur est inclus dans les cinq agrégats d'attachement. Lorsque nous apprécions la nourriture, que nous nous plaisons dans la vie, toutes ces joies sont incluses dans les cinq agrégats d'attachement. En bref, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. Tout dans l'univers est donc souffrance. Lorsque nous disons, par exemple, que nous sommes heureux, en fait, cela nous fait souffrir, nous souffrons. C'est un peu difficile à accepter ceci, que tout dans l'univers est souffrance. Pour comprendre cette dernière affirmation, nous devons comprendre qu'il y a trois sortes de souffrance. La souffrance réelle, dukkha, la souffrance due au changement, et la souffrance due au fait que tout est conditionné. Il y a donc trois sortes de souffrances que nous devons comprendre. Vous vous blessez avec quelque chose, c'est la souffrance. C'est la souffrance réelle. Parfois, vous vous sentez triste, déçu, c'est de nouveau la souffrance réelle. Parfois, vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Vous aimez la vie, mais ceci est également appelé souffrance. C'est la souffrance due au changement. Cette joie est de courte durée. Elle ne durera pas. Elle va disparaître à un moment. Et lorsqu'elle aura disparu, vous serez déçu. Les sensations agréables, le bonheur, la joie sont aussi souffrance parce que lorsque ces choses disparaissent, elles nous font souffrir. Cela nous fait souffrir. Donc, le bonheur est appelé souffrance si on voit les choses de ce point de vue, du point de vue de cette classification en trois sortes de souffrance. La troisième sorte de dukkha est la plus importante. Cette troisième sorte de dukkha, c'est la souffrance qui est due au fait que tout est conditionné. Tout dans l'univers est conditionné. Conditionné par d'autres causes ou conditionné par certains facteurs. Tout ce qui est conditionné a obligatoirement un début et une fin. Rien de ce qui est conditionné ne peut échapper à cela. Ce qui est conditionné doit avoir obligatoirement un début. Si cela a un début, cela a une fin également. Tout est conditionné dans le monde, tout dans l'univers a un début et une fin. Et tout ce qui a un début et une fin est appelé souffrance, dukkha. Dans un autre sermon, le Bouddha nous enseigne que tout ce qui est impermanent est souffrance. Donc, tout ce qui est impermanent est souffrance. Tout ce qui a un début et une fin est impermanent. Tout ce qui est conditionné a un début et une fin. Donc, tout ce qui est conditionné est souffrance. Ce que nous appelons joie ou bonheur a un début et une fin. Donc, on peut dire que cette joie, ce bonheur sont souffrance. Le Bouddha nous dit donc, en bref, les cinq agrégats d'attachement sont souffrance. Il veut dire que tout dans l'univers est souffrance. Si nous essayons de comprendre la première noble vérité, il est nécessaire que nous la comprenions de cette façon, à ce niveau philosophique. Si nous ne comprenons pas cette première noble vérité à ce niveau, nous allons forcément critiquer le Bouddha ou critiquer le bouddhisme. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le bouddhisme parce que les bouddhistes parlent toujours de la souffrance. Il n'y a jamais question de bonheur. Chaque fois qu'ils parlent, c'est de souffrance. Le Bouddha était une personne très pragmatique. Je pense qu'il était réaliste. Il a donc déclaré, annoncé la vérité, ce qui est un fait. Il a regardé les êtres et il a vu qu'il n'y avait là que souffrance, naissance, vieillissement, mort, tristesse, chagrin, lamentation, etc. Il voyait également les apparitions et disparitions constantes des phénomènes physiques et mentaux. Et il a vu donc le fait d'être en vie comme de la souffrance. Le Bouddha peut être comparé à un médecin qui fait le diagnostic de son patient et lui dit « Vous avez une maladie. » On ne peut pas accuser ce médecin d'être pessimiste, car il dit la vérité. Et c'est la même chose avec le Bouddha. Il annonce ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert. Le Bouddha nous dit qu'il y a la noble vérité de la souffrance et que tout dans l'univers est souffrance. Il nous explique, il nous annonce ce qu'il a vu lui-même et ce qui pour lui est une réalité. Donc nous ne pouvons pas l'accuser d'être pessimiste et d'essayer de nous rendre déprimés. S'il en était resté à la souffrance et qu'il ne nous avait pas parlé de la seconde, de la troisième et de la quatrième noble vérité, on pourrait en effet l'accuser au moins de vouloir nous rendre triste et déprimé. Mais le Bouddha nous a parlé de la cause de la souffrance, de la disparition de la souffrance et du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Donc le Bouddha n'était pas pessimiste. Il faudrait dire que le Bouddha était réaliste. That's all for today. We will continue the talk later. May you all understand the first noble truth and strive to be free of all suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous comprendre la première noble vérité et vous efforcer de vous libérer de toute souffrance. Sadhu, sadhu.